coupe sur Reaper dans Routing Matrix. C'est quoi ça, Routing Matrix? Il est où, Routing Matrix? Parce que moi j'ai la dernière version de Reaper, alors je sais pas si tu vois comment c'est fait. Il y a bien un route. Là j'ai. C'est quoi ce truc, matrice? Dans View j'ai plein de trucs, mais je vois pas où il est, matrice. Ah si, routing matrix. Attends pour moi. Ah, c'est où ça? Ah d'accord. Alors après, décoche la case la plus à gauche, renvoie le truc. Mixeur, il y a marqué mixeur. 1, 2. Elle a disparu. Attends, je vais l'enlever et la remettre. Routing Matrix. Ah, il n'y a plus la case. J'ai le menu, j'ai Routing Matrix, mais je ne trouve plus les cases. Ah là, maintenant groupe. Non, c'est pas ça. Region render. Routing. Oh, bah, pas de case. Non. Enfin, il y a plus quoi. Bah, il y a plus. Ça doit être ça. Thank you. sorti. Ouais, guitare rig, mais c'est en mode démo. Faut que je fasse passer en. Et je pense que machine fait pareil. Alors ça s'appelle Ré la route. Par contre, après, je sais plus comment on fait. Thank you. saloperie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.